À toutes et à tous, bonjour. Vous écoutez Radio RCF. Chers amis, encore bonjour. Vous écoutez Radio RCF 96.8. Mission orthodoxe. Au micro, Père Michel Selinotakis, pas la peine de m'identifier. C'est un plaisir toujours de vous adresser quelques réflexions. La dernière fois, je vous ai évoqué que nous faisons un petit voyage en Grèce, ce pays-là qui nous a donné la lumière et la civilisation mondiale. On a parlé que la Grèce, mon pays natal, est divisé en deux parties. La partie civilisation païenne et la civilisation chrétienne. Nous sommes en train maintenant de faire un petit voyage pour cette période chrétienne qui a duré à peu près 2000 ans. Tout au long de notre émission, une musique grecque, cette fois-là, nous accompagnera, traditionnelle, et qui sort de l'âme de grec, parce que toujours les Grecs travaillaient avec de la musique, une musique qui est très agréable à l'écouter et à le danser. Et on peut l'accumuler avec les paroles de Dieu, puisqu'il y a des psaumes qui nous parlent que les fidèles, de temps en temps, prient accompagnés par la musique. Évidemment, ils parlent d'une musique différente, mais aujourd'hui, nous serons accompagnés par la musique traditionnelle que peut-être vous l'avez attendue. Et aujourd'hui, c'est notre occasion de continuer. La dernière fois, on s'est arrêté là où Saint Paul est arrivé à Thessalonique, au nord de la Grèce, ce qu'on appelle aujourd'hui le département géographique qui s'appelle Macédoine. Thessalonique, ou Thessalonique exactement, c'est la capitale de ce département. Chers amis, après Salonique, Saint Paul est allé à Bérée, une autre ville qui s'appelle aujourd'hui Véria, qui se trouve aussi dans le territoire macédoine, qui se trouve vers la partie occidentale de la Macédoine. Et ensuite, il a pris le bateau au port de Pydra, qui d'ailleurs ne fonctionne plus aujourd'hui comme port, pour se rendre à Athènes. Après Athènes, où il a prononcé son fameux discours du Dieu inconnu, que nous avons tous lu dans les Actes des Apôtres, sur la il s'est rendu à Corinthe, et où il est resté un an et demi, et où il a fondé la première communauté chrétienne importante de l'Europe. Nous lisons ça aux Actes 18. Dans l'agora de Corinthe, agora, ça veut dire, signifie selon le grec, le marché, là où se trouvaient les gens qui discutaient pendant toute la matinée. Voilà, dans cette ville de Corinthe antique, on peut voir encore aujourd'hui le fameux bima, ça veut dire la tribune, et selon le grec s'appelle Vima, là où les prédicateurs montaient pour annoncer et donner des nouvelles de la semaine, de la journée. Et là où encore le Galion, le proconsul romain, qui était le frère de Sénèque, connaissons l'histoire, a jugé Saint Paul à cause des accusations des Juifs. Il l'a quitté de ne lui rien y a trouvé aucun tort. Du passage de Saint Paul à Corinthe, on peut voir aussi à l'ancien port qui se trouve à l'est de la Corinthe, les vestiges d'une basilique paléochrétienne construite à l'endroit où Saint Paul s'est embarqué pour rentrer en Asie mineure. Nous lisons tout ce texte-là aux Actes 18 et verset 18. À d'autres chapitres des Actes des Apôtres, nous lisons aussi que d'autres régions de la Grèce où Saint Paul est passé, comme par exemple la Crète, exactement c'est mon pays natal, que j'adore, que j'ai toujours une nostalgie de rentrer dans ce pays. Et on dit aussi le pays des beaux ports, de belles endroits. Nous lisons tout cela aussi aux Actes des Apôtres toujours. Et là-bas en Crète, il a laissé son disciple, l'apôtre Tite, qui devient le premier évêque de la Crète. Et donc le crâne se trouve à l'église de Saint Tite à Héraklion, qui est la capitale de toute la Crète. Puis Rhodes aussi est mentionné aux Actes des Apôtres. Ce passage de Saint Paul eut lieu au petit port de Lindos, qui s'appelle aujourd'hui port de Saint Paul, et qui est situé du côté occidental de l'acropole. Il est passé aussi près des îles de Lesvos, ce qu'on appelle autrement Mytilène aussi, et Chios et Samos, toutes ces îles-là qu'il a visitées Saint Paul. Et dans son épître à Tite est mentionné son séjour à Nicopolis, près d'Actium, à côté de la ville actuelle de Préveza, la Grèce occidentale, au nord de la Grèce évidemment, nous parlons, qui étant un lieu biblique est devenu un grand centre de pèlerinage de l'ancien christianisme. Nous pouvons y admirer aujourd'hui les merveilleuses mosaïques des basiliques paléochrétiennes, les plus importantes des Balkans. Les Actes aussi mentionnent certains événements qui ont lieu dans le théâtre antique d'Éphèse, qu'on peut visiter aujourd'hui par les croisières grecques en mer Égée, mais aussi en passant un petit bateau de l'île de Samos au port actuel d'Éphèse, Kousada, si ça s'appelle en Turquie, pendant la saison touristique. La traversée dure à peu près une heure et demie. Je vous propose maintenant qu'il y ait une petite musique folklorique aussi traditionnelle nous accompagnera pour nous rendre dans cet environnement grec. Écoutons. Thank you. Nous venons d'écouter, chers amis, c'est le fameux Surtaki que tout le monde la connaît. J'espère que vous avez aimé ce morceau-là. Alexis m'a fait signe qu'elle avait envie de danser là, et moi aussi. Alors, pour revenir à notre sujet, la Grèce chrétienne, je vous disais tout à l'heure que à toutes les communautés chrétiennes que Saint Paul avait fondées en Grèce, plus tard, il a envoyé aussi des fameuses épîtres, des lettres que nous connaissons tous, deux aux Corinthiens, une aux Philippiens et deux aux Thessaloniciens. La première épître aux Thessaloniciens, je le souligne et je précise aussi, est la plus ancienne texte chrétien et elle fut écrite à Corinthe le 52 après Jésus-Christ. C'est vraiment un trésor que nous disposons, nous chrétiens, autant que texte authentique. En Grèce sont venus aussi d'autres apôtres, comme par exemple Saint Jean l'évangéliste et théologien, qui est resté en exil à l'île de Patmos, l'île sacrée que nous connaissons tous, sous le règne de l'empereur Domitien, et où il a reçu de la part de Jésus-Christ l'Apocalypse, la révélation, comme on dit, dans la grotte sacrée que nous visitons aujourd'hui par les croisières grecques dans la mer Égée. On peut accéder aussi à Patmos par les bateaux des lignes de tous les jours pendant la saison touristique, après une traversée des 10 heures de Pirée, le plus grand port de la Grèce. Non loin du port de Patmos, ce port s'appelle Scala, à droite du baptistère où Saint Jean l'évangéliste baptisait les païens de Patmos pendant son exil. Saint André aussi, le frère de Saint Pierre, est allé à Patras, un autre port de la Grèce que nous connaissons tous, quand nous avons la capitale de l'Achaïe, comme on dit le nord-ouest de la Péloponnèse, où il a enseigné, il a fait beaucoup de miracles, où il a subi le supplice de la crucifixion sur une croix en forme de X. Dans l'église monumentale de Patras, qui porte son nom d'ailleurs, il est le patron de cette ville, on garde aujourd'hui et des pièces authentiques de sa croix et de son chef. Cette église est construite à côté de lui de son martyr, où jaillit une source miraculeuse qui existe encore. C'est Luc aussi l'évangéliste, qui était d'origine grecque, d'Antioche de Syrie, connaissons tous, est venu à Thèbes, c'est la Biotie, c'est une autre région de la Grèce, où il a enseigné, où il a terminé sa vie comme martyr, à 80 ans, suspendu à un olivier, ce que nous dit l'histoire ecclésiastique. La tombe authentique de Saint Luc l'évangéliste se trouve à l'église du vieux cimetière de Thèbes et qui est consacrée à sa mémoire. Il est du côté droit du sanctuaire. Celui qui a visité ce cimetière le voit tout de suite. Ce sarcophage de marbre est miraculeux même vide, car les reliques de Saint Luc l'évangéliste ont été enlevées par les croisés de Constantinople, où elles avaient été transportées au IXe siècle, pendant la quatrième croisade qui a occupé Byzance en 1204 et se trouve maintenant à Padoue en Italie, à l'église de Sainte Justine. Vous le connaissez peut-être l'histoire. Ainsi, l'enseignement des apôtres, leurs miracles et leurs martyrs christianisent peu à peu le monde païen, et la langue grecque apporte l'évangile au monde gréco-roman, puisque tout le Nouveau Testament fut écrit en grec dans le texte original. Je souligne là que la langue grecque était alors la langue universelle, et tout le monde pouvait la comprendre. Ainsi, la prophétie du Seigneur fut réalisée aussi en honneur des Grecs, que les Grecs le glorifiaient, nous lisons, en Jean 12, versets 20 à 23. Sinon quand même, cette évangélisation du monde païen n'a pas eu lieu sans sacrifice. Pendant 3 siècles coulait le sang de martyrs, et parmi des 11 millions de martyrs dans le monde entier gréco-romain, en 3 siècles, à cause des persécutions de l'empereur romain, 8 millions étaient des Grecs, et même un grand nombre d'eux appartenaient à l'élite intellectuelle de l'époque. Prenons par exemple le cas de Sainte Catherine d'Alexandrie. Les persécutions se sont arrêtées parce que l'empereur Constantin le Grand, en 313 après Jésus-Christ, qui a accordé liberté de culte aux chrétiens. Le sang de martyrs avait arrosé l'arbre de l'Église. L'exemple de sainteté et de l'héroïsme des chrétiens a vaincu le monde païen, qui est tombé comme un fruit pourri. Déjà, l'oracle de Delphes avait répondu au messager d'Octave qui avait demandé « Qui régnera après moi ? » Un garçon juif régnera et part d'ici en silence. L'oracle de Delphes avait compris qu'après le grand événement de l'incarnation de Dieu vivant, il n'y avait plus rien à dire de plus grand et il fallait garder le silence par secret. Une réponse encore plus précise de ce même oracle fut donnée à Julien l'Apostat, un des successeurs de Constantin le Grand sur le trône de Byzance. « Dit le roi à cette époque, la statue d'Apollon est tombée. Apollon n'a plus de maison, ni de laurier prophétique, et la source qui parlait était tarie. » Celle-ci fut la dernière réponse de l'oracle de Delphes. Ces prêtres païens avaient compris que le tarissement du paganisme était définitif. Il n'était plus possible d'aller en arrière. Une nouvelle ère commençait, une nouvelle civilisation basée sur la plénitude de la vérité. C'était le Fils de Dieu vivant. Chers amis, passons encore dans la musique traditionnelle grecque. Chers amis, nous continuons dans cet historique-là du passage des apôtres, de Saint Paul, de tous ceux qui ont laissé les traces du christianisme en Grèce. Et nous voyons que 10 ans plus tard, par exemple, qui était vaincu le dernier adversaire, Licinius, restant ainsi seul empereur de tout l'Empire romain occidental et oriental, christianisme, la religion officielle de cet immense État. On peut dire que le paganisme continuait à exister et à fonctionner encore, mais d'une façon insignifiante. La foi apostolique que les martyrs ont défendue et que Constantin le Grand a instituée comme religion officielle de son État et la foi orthodoxe que nous connaissons aujourd'hui, qui signifie foi correcte en grec, qui est venue jusqu'à nous, en Grèce, qui sont venus les successeurs des apôtres, c'est-à-dire les évêques, qui avaient reçu leur ordination directement des apôtres, comme successeurs, comme par exemple cet Ignace, évêque d'Antiochie, qui était aussi un martyr, comme saint Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr aussi, comme c'est Timothée, premier évêque d'Éphèse et martyr sur le règne de Domitien. Cette foi orthodoxe fut défendue aussi par le concile œcuménique contre les hérésies. Le premier concile œcuménique fut convoqué à Nicée, près de la côte nord-est de la mer de Marmara, appelée aujourd'hui par les Turcs Iznik, en 325. Chers amis, voilà un petit historique de cette Grèce chrétienne. Et je voudrais terminer cette émission avec un dernier morceau musical traditionnel grec. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de passer un agréable après-midi et rendez-vous dans une semaine, si Dieu le veut. Bon après-midi, au revoir. Bon appétit.